إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui la conférence numéro 5, la cinquième partie dans l'explication et la réponse de ceux qui appellent les salafis des madakhila. On a fait 5 parties jusqu'à maintenant. Le premier cours c'était l'introduction. La première conférence c'était l'introduction du sujet. La deuxième conférence, on a commencé à parler des shuyukh de Cheikh Rabi' Hafizahullah, et on a parlé de ça aussi dans le troisième cours. Le quatrième cours, on a parlé des caractéristiques du Cheikh et de ses qualités. Et aujourd'hui, le sujet dont on va parler, oui, on a aussi parlé des livres que le Cheikh a écrits, hein, et les réfutations qu'il a faites. Et là, aujourd'hui, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'expliquer, hein, parce qu'on entend souvent les gens dire « Vous êtes des madakhila » quand ils parlent aux salafis. Quand ils parlent aux salafis qui mettent en garde contre les gens de la bid'a, contre les khawarij, contre les takfiriyin, contre les... les gens de l'Ikhwan, hein, contre les Ikhwan, contre les Sururiyya, contre les Qutbiyya, qui mettent en garde contre Salman al-Awda, contre Safar al-Hawali, qui mettent en garde contre Aïd al-Qarni, qui mettent en garde contre Muhammad al-Uraifi, qui mettent en garde contre Nasir al-Omar, qui mettent en garde contre Nabil al-Awadi, qui mettent en garde contre Tariq al-Suwaydan, qui mettent en garde contre Amr Khalid, qui mettent en garde contre Mohamed Qutb et Sayyid Qutb, son frère, qui mettent en garde contre Hassan al-Banna, qui mettent en garde contre Yusuf al-Qardawi, qui mettent en garde contre Mohamed Hassan, qui mettent en garde contre Abu Ishaq al-Huwayni, qui mettent en garde contre Abu al-Hassan al-Ma'ribi, qui mettent en garde contre Mohamed al-Maghrawi, qui mettent en garde contre Abdurrahman al-Khaliq, qui mettent en garde contre Osama bin Laden, qui mettent en garde contre Mohamed al-Mas'ari, qui mettent en garde contre Ayman al-Zawahiri, qui mettent en garde contre Abdullah al-Zam, qui mettent en garde contre Osama al-Qawsi, qui mettent en garde contre Yasser al-Burhami, qui mettent en garde contre Mohamed Abdul Maqsoud, qui mettent en garde contre Mohamed Hussein Yaqub, qui mettent en garde contre Abdullah ibn Jibrin, qui mettent en garde contre Mohamed al-Munajjid, qui mettent en garde contre Mustafa al-Adawi, qui mettent en garde contre Mohamed Ismail, qui mettent en garde contre Adnan Ar'our, qui mettent en garde contre Mohamed al-Ghazali, qui mettent en garde contre Mohamed Saïd Ramadan al-Bouti, qui mettent en garde également contre Mohamed Abu Mohamed al-Maqdisi, le Takfiri, qui mettent en garde contre Abu Qatada al-Filistini, al-Takfiri, qui mettent en garde contre des gens comme Abu Basir et Hamza, les deux takfiris et khariji de l'Angleterre, et tous leurs semblables. Donc lorsqu'on met en garde contre ces individus, que ce soit Zarqawi, celui qui est mort, ou bien les autres qui les ont suivis également, et tous ceux qui ont suivi leur voie et leur tendance et leur méthodologie dans n'importe quel pays où ils sont, dans n'importe quel endroit où ils sont, et ceux qui les suivent également en France ou au Québec ou ailleurs, comme Tariq Ramadan, Hassan El-Kwissen, Tariq Obrou, l'autre qui fait l'oasis de l'excellence avec les lunettes, le Marocain, je ne sais pas son nom, la même chose, Rachid de Brest, Nader Abou Anas, Mehdi Kabir, Rachid Haddash, Elias Azouaj, Mustafa Qastit, tous ces gens-là qui suivent cette tariqa, ce manhaj des khawarij, des takfiriyin et des gens de Ahwa parmi les hizbiyin qui suivent la tendance des ikhwan, des sururiya et d'autres, ce sont ceux-là que vous allez entendre appeler les salafis des madakhila. Hein? Et c'est bizarre qu'ils nous appellent des madakhila. La raison pourquoi c'est bizarre, parce qu'en réalité, tous les ulama salafiyin, les grands imams de la sunna et de la salafia, ont fait les éloges de Cheikh Rabi al-Madkhali. Et ont parlé de lui en bien. Et on dit de lui que c'était un imam, un savant, parmi les savants de l'islam. Et on dit de lui qu'il a réfuté les gens de bid'ah et d'égarement. Donc, si on, par exemple, on regarde ces individus, parmi ceux-là, il y en a qui disent qu'ils sont sur la sunna, ou qu'ils suivent la voie d'Ahl sunna ou al-jama'a, ou qu'ils sont salafis, eh bien, comment ça se fait qu'ils parlent contre Cheikh Rabi', ou qu'ils insultent Cheikh Rabi' pour avoir mis en garde contre les gens de déviation ou contre les gens de bid'ah? C'est parce qu'il y a un problème dans leur manhaj, c'est parce qu'il y a un problème dans leur aqida, c'est parce qu'il y a un problème dans leur compréhension de la religion. Puisque tous les imams que ces gens-là parfois essaient de citer comme référence, hein, vous allez entendre parfois certains de ces individus comme Rachid de Brest ou d'autres, hein, quand ils parlent, ils vont citer Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, ils vont citer Cheikh Mohamed Ibn Uthaymeen et d'autres. Comment ça se fait qu'eux critiquent Cheikh Rabi' et ils citent ces imams, alors que ces imams, eux, ont fait l'éloge de Cheikh Rabi'? Est-ce qu'ils vont dire de Cheikh Ibn Baz que c'est un madakhila ou un madkhali, hein? Ou est-ce qu'ils vont dire de Cheikh Ibn Uthaymeen que c'est un madkhali, ou de Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani que c'est un madkhali, ou de Cheikh Salih Al-Fawzan que c'est un madkhali, ou de Cheikh Al-Luhaydan que c'est un madkhali, et de tous les autres mashaykh salafiyin, ils vont dire ça de eux, hein? Puisque si c'est ça ce qu'ils disent, eh bien c'est ce qui est obligatoire pour eux de dire, que tout salafi dans ce cas-là est sur la voie de Cheikh Rabi' al-Madkhali, puisque la voie de Cheikh Rabi' al-Madkhali est nulle autre que la voie des salaf al-Salih. Hein? Et il n'a pas contredit la voie des salaf al-Salih en mettant en garde contre les innovateurs, puisque le fait de mettre en garde contre les innovateurs, ça fait partie de la voie des salaf. Hein? Sauf que les ikhwan n'ont pas été éduqués sur cette voie. Hein? Les ikhwan n'ont pas été éduqués sur la voie des salaf, ils ont été éduqués sur la voie de la hizbiyya et de la bid'a. Et des slogans semblables aux slogans qui disent il faut vivre et laisser vivre. Je critique personne s'il ne me critique pas. Ou bien des slogans qui disent, hein, on s'unit ensemble et on travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, mais si, hein, on a des divergences, on s'excuse les uns les autres, peu importe la divergence. Ça, c'est les slogans qui sont des slogans en opposition avec la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ces slogans-là sont les slogans de la franc-maçonnerie. Ces slogans-là sont les slogans de ce que les gens appellent aujourd'hui les Illuminati, en réalité. Puisque aujourd'hui, ils ne connaissent pas la franc-maçonnerie, les gens connaissent le terme Illuminati, alors que, en réalité, ce sont les francs-maçons qui sont derrière ça. Eh bien, c'est des slogans qui sont propagés même chez les koufars, et c'est eux qui utilisent ces principes-là, et maintenant, ces soi-disant islamistes utilisent ces slogans et essaient de les appliquer sur le plan islamique, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Maintenant, on va lire un peu des paroles des ulama d'Ahl Sunnah, des imams de la Sunnah, et les éloges qu'ils ont fait à Cheikh Rabi', et les paroles qu'ils ont dit de bien à propos de Cheikh Rabi', et vous allez voir que, à partir de ce moment-là, les choubouhats de ces gens-là vont fondre comme de la neige au soleil. Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Voici des paroles, des exemples de ce qu'il dit à propos de Cheikh Rabia. قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في شريط الأسئلة السويدية إن الشيخ ربيعا من علماء السنة وقال هما يعني الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان الجامي parce qu'ils appellent les salafis des madkhalistes ou bien ils appellent des jamiyin à propos du Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Et bien la même, les mêmes éloges que les ulama ont fait de Cheikh Rabi, ils les ont fait aussi à propos de Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Hein? Donc s'ils appellent les salafis des jamiyins, ils doivent appeler même les ulama des jamiyins, parce que ce sont tous des savants qui ont fait les éloges de Cheikh Mohamed Aman al-Jami et de Cheikh Rabi al-Madkhali. Donc Cheikh Ibn Baz il dit tous les deux, c'est-à-dire le Cheikh Rabi et le Cheikh Mohamed Aman al-Jami, sont tous les deux connus comme étant des gens qui ont la science, des gens de mérite, des gens qui ont une bonne aqidah, une aqidah authentique. Et je conseille tout le monde de profiter de leurs livres. Je conseille aux gens de profiter de leurs livres. Cheikh Ibn Baz dit يعني الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان الجامي معروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة فأوصي بالاستفادة من كتبهما. Je les connais moi-même personnellement comme étant des gens de science, de mérite et qui ont une aqida qui est correcte et authentique, et je conseille à tout le monde de profiter de leurs livres. Et il a dit قال رحمه الله الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة معروف أنه من أهل السنة ومعروف كتابه كتابته ومقالاته. هذا من شريط ثناء العلماء على الشيخ ربيع إصدار التسجيلات منهاج السنة. Donc, Cheikh Rabi, Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Cheikh Rabi? Il dit, Cheikh Rabi fait partie des meilleurs parmi les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, et il est connu comme étant faisant partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et ses livres et ses écrits, ou ses livres et ses articles sont connus. Et ça, c'est tiré de la cassette, les éloges des ulama. À propos de Cheikh Rabi' et c'est diffusé par Minhaj al-Sunnah, les enregistrements Minhaj al-Sunnah. Et le Cheikh il dit وَهُنَاكْ مُحَاضَرَ لِلشَّيْخ رَبِيعِ فِي الطَّائِفِ مِنْ عَامْ 1410 بِعُنْوَانَ التَّمَسُّكْ بِالْمَنْهَجِ السَّلَفِي عَقَّبَ عَلَيْهِ الْإِمَامِ إِبْنُ بَازْ قَائِلًا لقد استمعنا جميعا هذه الكلمات من صاحب الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في موضوع التمسك بالكتاب والسنة والحذر مما يخالفهما والحذر من أسباب التفرق والاختلاف والتعصب للأهواء. ولقد أحسن وأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وأن يوفق أخانا صاحب الفضيلة الشيخ ربيعا لكل خير أن يجزيه عن كلمته خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Donc Cheikh Rabi, il avait fait une conférence dans la ville de Taif en 1410, le troisième jour du premier mois de l'année. Et le titre de cette conférence était le fait de s'accrocher au manhaj al-salafi, s'accrocher au manhaj des salaf. Et après cette conférence, Cheikh Ibn Baz il a fait un commentaire en disant nous avons tous entendu ces paroles du noble Cheikh, son excellence le Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali au sujet de s'accrocher au Coran et à la Sunna et de prendre garde de ce qui contredit le Coran et la Sunna, et de faire attention également aux causes de division et de divergence et au fanatisme et de s'accrocher aux passions. Et le Cheikh il a expliqué et clarifié de la meilleure façon, alors que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense de la meilleure récompense et augmente et multiplie sa récompense et qu'il lui donne le succès, qu'il donne le succès au Cheikh, au noble Cheikh, à son excellence le Cheikh Rabi', pour tout le bien qu'il a fait et lui récompense pour sa bonne parole, et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi de la meilleure façon. Donc ça c'est des exemples des paroles de Cheikh Rabi' de Cheikh Ibn Baz à propos de Cheikh Rabi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ces paroles? Il y a également les paroles de un autre exemple de paroles de Cheikh Ibn Baz. قال الشيخ ربيع donc on a lu qu'il fait partie des meilleurs parmi les gens d'Ahl al-Sunna et également il dit وقال رحمه الله وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة مثل الشيخ محمد أمان ابن علي ومثل الشيخ ربيع ابن هادي أو مثل الشيخ صالح ابن سعد السحيمي ومثل الشيخ فالح ابن نافع ومثل الشيخ محمد بن هادي كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون هذه الأشياء ويقولون المراد كذا وكذا وهذا ليس بجيد الواجب حمل الكلام على أحسن المحامل من شريط توضيح البيان. Donc ici il y a la parole de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, hein, et il a parlé justement en défense des shuyukh de Médine lorsque certains parmi les sururiyah voulaient essayer de les attaquer et essayer d'interpréter la parole de Cheikh Ibn Baz qui avait été mentionnée, hein, la parole de Cheikh Ibn Baz lorsqu'il avait mis en garde contre certains qui faisaient de la fitna. Les gens de Sururiya ont essayé d'appliquer cette parole-là aux ulama parmi les mashaykhs de Médine pour les accuser et pour dire que la parole de Cheikh Ibn Baz s'appliquait à eux puisque les savants de Médine mettaient en garde contre les Sururiya et contre leurs déviations et contre leurs égarements et leur opposition à la sunna. Alors ils ont essayé de faire tomber la fatwa de Cheikh Ibn Baz sur les shuyukh de Médine. Alors Cheikh Ibn Baz il a clarifié sa parole et il a dit nos frères les shuyukh de Médine sont bien connus et nous n'avons aucun doute sur eux, ils font partie des gens qui ont la bonne aqida parmi les gens de la sunna et de la jama'a comme le Cheikh Mohammed Aman al-Jami et comme le Cheikh Rabi' ibn Hadi et comme le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Suhaymi et il a mentionné Falih ibn Nafi' et bien entendu on sait aujourd'hui que Cheikh Falih ibn Nafi' hein, il fait partie des Haddadiyya, donc il a dévié et il est tombé dans l'extrémisme et dans l'exagération. Ensuite, il a mentionné parmi les mashaykh qui sont sur la salafia et qui sont sur la bonne aqida, le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Hein. Il a dit, Cheikh Ibn Baz, ils sont tous connus hein, auprès de moi comme étant des gens qui sont sur la droiture, qui sont des gens qui ont de la science, qui sont des gens qui ont la bonne aqida. Mais les gens qui appellent à la fausseté, et qui veulent les chasser dans les eaux troubles, hein, eh bien, ce sont eux qui font du tashwish, qui font du désordre, qui dérangent les gens, et qui parlent au sujet de ces choses-là, et qui disent, voici la signification de ce que le Cheikh a voulu dire, voici ce qu'il a voulu dire, et ça, ce n'est pas quelque chose de bon. Et l'obligation pour tous, c'est de prendre la parole dans la meilleure de ses significations. Et donc, ici on a vu donc une défense de la part de Cheikh Ibn Baz pour les mashaykh hein, des salafiyins de Médine et en particulier Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali et tous ceux qui sont à Médine qui suivent cette voie, la voie des salaf al-salih. Ensuite, le Cheikh il a mentionné également un autre exemple, il dit « Wa fiha aydan ma dhakarahu fadilatu Cheikh Rabi' an da'wati Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa huwa al-haqiqa » فإن الشيخ من على هذه البلاد بهذه الدعوة المباركة وهي دعوة سلفية. Donc ça c'est lorsque le Cheikh Rabi a fait la conférence quand il était à Taif, il a parlé de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et que c'est une da'wa qui est salafia et la baraka qu'elle a eue pour le pays de l'Arabie Saoudite et le Cheikh il a dit que c'est une da'wa salafia. Et c'est donc pour confirmer et supporter qu'est-ce que Cheikh Rabi il a dit à propos de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de sa da'wa. Donc le Cheikh Ibn Baz il disait ça. Il a dit wa ma dhakarahu fardilatu Cheikh Rabi min an da'wati Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah huwa al-haqiqa. فإن الله من على هذه البلاد بهذه الدعوة المباركة وهي دعوة سلفية ولكن شوه أعداء الله هذه الدعوة وقالوا الوهابية المبتدعة التي فعلت وفعلت وهم الضالون المبتدعون وهم ما بين جاهل أو من قلد جاهلا فهم وهم ما بين جاهل أو من قلد جاهلا إما جاهل وإما مقلد الجاهل وإما ثالثهم متبع لهواه الذي يعصي الله على بصيرة هؤلاء أعداء الدعوة السلفية إما جاهل وإما مقلد لجاهل وإما صاحب هوى متعصب لهواه يريد المآكل ويريد إرضاء الناس على حساب مأكله ومشربه وهواه نسأل الله العافية دونك الشيخ بن باز دي اي نوبل الشيخ سون اكسلانس ربيع ابن هادي المدخلي الى جاءه قدس الدعوة du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ce qu'il a dit à son sujet c'est la vérité parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une faveur à ce pays avec cette da'wa qui est bénie la da'wa salafia c'est la da'wa salafia que les ennemis ont essayé de salir ils ont essayé de salir cette da'wa en disant que ce sont des wahhabiyya en disant que, nous sommes, que cette da'wa c'est la da'wa wahhabiyya qui est innovée et qui a fait telle ou telle ou telle chose en les accusant et le cheikh il dit alors que ce sont eux en réalité qui sont les égarés et qui sont les innovateurs et ils sont soit des ignorants ou des gens qui suivent des ignorants aveuglément soit ils sont ignorants ou qui suivent aveuglément des ignorants ou bien ils font partie de la troisième catégorie celui qui suit sa passion et qui désobéit à Allah avec connaissance donc ceux-là sont les ennemis de la da'wah salafia soit un ignorant soit quelqu'un qui suit aveuglément un autre ignorant ou bien quelqu'un qui suit sa passion qui est fanatique pour sa passion et qui veut manger il veut faire plaisir aux gens il veut faire plaisir aux gens pour pouvoir obtenir ce qu'il a besoin pour manger et pour boire et il suit sa passion nasallallahu alayhi wa sallam donc il fait ça pour manger et pour boire pour plaire les gens pour plaire aux gens pour avoir de l'argent en retour donc ça c'est des gens qui parlent contre la salafia et la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit na'am il a dit Cheikh ibn Baz nasallallahu alayhi wa waffiqa sahib al-fadila Cheikh Rabi'a li kulli khayr wa an yujziyahu an kalimatihi khayran donc on a lu ça déjà après le Cheikh il dit wa qad arsala al-Cheikh kitabahu منهاج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فأرسله إلى الشيخ عبد العزيز الراجحي وبعد جواب الشيخ الراجحي كتب الشيخ بن باز هذه الرسالة للشيخ ربيع من عبد العزيز بن باز من عبد العزيز ابن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأشفع لكم رسالة جوابية من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حول كتابكم منهاج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف لأني قد أحلته إليه لعدم تمكن من مراجعته فأجاب بما رآه حوله وقد سرني جوابه والحمد لله وأحببت اطلاعكم عليه وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق إنه جواد كريم. Donc ici on voit que le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah il a écrit un livre dont on a parlé au dernier cours la méthodologie des gens de Ahl Sunnah al-Jama'a dans la critique des individus des livres et des groupes Et ce livre, avant de le publier, il l'a envoyé à plusieurs parmi les ulama, entre autres le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il a reçu ce livre, et lorsqu'il l'a reçu, il l'a envoyé à son bras droit, le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi, pour le lire à sa place, parce que le Cheikh était très occupé, il n'a pas eu le temps de lire le livre. Donc le Cheikh ibn Baz, il a écrit une lettre à Cheikh Rabi' pour lui répondre, et il lui a dit, lorsque le Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi a répondu à propos de son livre, il a écrit donc à Cheikh Rabi' avec la lettre que le Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi lui a donnée au sujet de son livre. Et voici ce que Cheikh Abdul Aziz ibn Baz a dit de la part du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz à son excellence le frère honoré, son excellence le docteur Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, que Allah lui donne le succès dans ce qu'il y a son agrément, et il l'augmente en science et en foi. Amin. Paix et salut. Donc, assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Il dit ensuite, donc je vous donne donc cette lettre en réponse de la part de Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi au sujet de votre livre Minhaj Ahl al-Sunnah wal-Jama'a fi daqd al-Rijal wal-Kutub wal-Tawa'if, parce que je lui avais donné ce livre-là pour qu'il le lise à ma place, puisque je n'avais pas eu le temps de le reviser. Et il m'a répondu, c'est-à-dire le Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, il m'a répondu à propos du livre par qu'est-ce qui m'a réjoui. Sa réponse m'a réjoui, alhamdoulillah, et j'ai voulu que vous puissiez lire ce qu'il a écrit. Donc, je vous envoie donc la lettre qu'il m'a donnée, ou la réponse qu'il m'a donnée. Et je demande à Allah qu'il fasse de nous, ainsi que de vous-même, ainsi que de tous nos frères, parmi ceux qui appellent à la guidance et qui défendent la vérité. Et il est certes généreux et noble. Et donc, ça c'est la réponse de Cheikh Ibn Baz à la demande de Cheikh Rabi à propos de son livre. Et on voit que le Cheikh Ibn Baz, il a aimé la réponse de Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi à propos de son livre. On va lire la réponse de Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi à propos de ce livre-là plus tard, inshallah, lorsqu'on va commencer à lire la parole à propos de qu'est-ce que d'autres ulama ont dit à propos de Cheikh Rabi'a. Si vous voulez voir la lettre au complet, elle est dans l'introduction du livre Kitab al-Naqd, yani wa Kitab al-Nasr al-Aziz. Vous pouvez le trouver dans l'introduction. Également, le Cheikh dit « وقال الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي في كتابه إزهاق أباطيل عبد اللطيف بشميل في الصفحة 104 لقد زرت سماحة الشيخ حفظه الله فنصحني بالرد على كل مخالف للحق والسنة ونعم النصيحة فما أعظمها وأوجبها على من يستطيع القيام بها. وقد سمعت الكلام لخالد الزفيري ولقد سمعت بأذني الشيخ ابن باز رحمه الله يقول مخاطبا الشيخ ربيع يا شيخ ربيع رد على كل من يخطئ ولو أخطأ ابن باز رد عليه, لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه وأثنى عليه ثناء عاطرا والله على ما أقول شهيد. Donc ça aussi c'est un exemple d'une parole. Il dit ensuite وَبَلْ قَدْ أَذِنَ لَهُ سَمَاحَةُ الشَّيْخ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِالتَّدْرِيسِ فِي مَسْجِدِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَشْهُرٍ مما يدل على أنه توفى وهو راض عنه كما أن الشيخ ربيع من كبار تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز ومن أقدمهم. Donc qu'est-ce qu'il dit? Finalement le Cheikh Rabi, il a écrit dans son livre, quand il a répondu au Haddadi Abdul Latif Bashmel, il a écrit à la page 104 de ce livre, j'ai visité le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, hafizahullah, et il m'a donné le conseil de réfuter toute personne qui contredit la vérité et la sunna. Et quelle belle nasiha il m'a donné. Et quelle grande nasiha il m'a donné. Et il dit que c'est une des plus obligatoires d'entre les conseils à respecter pour celui qui est capable de le faire. Et le Cheikh Khalid al-Zufairi, il mentionne cette anecdote et il dit: j'ai entendu avec mes deux oreilles le Cheikh Abdelaziz ibn Baz dire au Cheikh Rabi' quand il est venu le visiter, et il était avec lui, il a dit à Cheikh Rabi', ya Cheikh Rabi', réfute toute personne qui fait des erreurs, même si Ibn Baz fait des erreurs, réfute-le. Même si Ibn Ibrahim fait des erreurs, réfute-le. Ça, c'est qui lui dit ça? C'est Cheikh Ibn Baz qui lui dit. Et qui le conseille de réfuter tout innovateur ou toute personne qui fait des erreurs dans la religion. De le réfuter, même si c'est Ibn Baz. De le réfuter, même si c'est Ibn Ibrahim. Peu importe qui d'entre les ulama fait des erreurs, de le réfuter. Et il lui a fait des éloges. Et il a fait beaucoup d'éloges et de compliments à Cheikh, et il a dit: et Allah est témoin de ce que je dis. Et le Cheikh il mentionne ensuite, il dit que il a également donné au Cheikh Rabi' la permission d'enseigner dans sa mosquée, et ça c'était quelques mois avant son décès, rahimahullah. C'est-à-dire quelques mois avant le décès de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Baz a donné la permission à Cheikh Rabi' d'enseigner dans sa mosquée. Et ça c'est la preuve que le Cheikh Ibn Baz est mort alors qu'il était satisfait du Cheikh Rabi'. Et pour ceux qui prétendent, comme certains individus, que le manhaj de Cheikh Rabi' aujourd'hui, ce n'est pas le même manhaj que le Cheikh Rabi' à l'époque, ça c'est un grand mensonge. Et le Cheikh Rabi', son manhaj n'a pas du tout changé, au contraire, il a toujours été comme il est aujourd'hui, et son manhaj tel qu'il avait à l'époque, c'est le même manhaj qu'il a aujourd'hui. Donc celui qui prétend ou qui pense qu'il y a eu un changement, alors il a menti, et la réalité est contraire, et la réalité est la meilleure preuve contre lui. Ensuite, maintenant on va passer à l'exemple des paroles d'un autre parmi les ulama, parmi les grands ulama, c'est les paroles de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Donc, le Cheikh ibn Uthaymin, il a dit: Su'ila al-Allama ibn Uthaymin, ma hiya kaza, ma hiya nasihatukum liman yamna ashritat al-Sheikh Rabi' ibn Hadi bid'awa. On a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin: quel est votre conseil à celui qui interdit les cassettes de Cheikh Rabi' Ibn Hadi sous prétexte qu'elles causent de la fitna, elles créent du désordre ou de la polémique ou des problèmes? Voici ce que Cheikh Muhammad Ibn Uthaymin a répondu. فأجاب الشيخ قائلا: رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، ولكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين سموه بهذه العيوب. انتهى كلامه. الشريط الأول من الأسئلة المطروحة عبر الهاتف من هولندا باسم كشف اللثام عن مخالفات أحمد سلام. Donc ici, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a répondu en disant: notre opinion à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de ceux qui veulent empêcher la propagation ou la diffusion des cassettes de Cheikh Rabi', c'est que c'est une grave erreur, que c'est une erreur grave, et que le Cheikh Rabi' fait partie des ulama de la sunna, parmi les gens du bien, et que sa aqida est une aqida qui est propre, et que son manhaj est un manhaj droit, une méthodologie qui est droite. Mais étant donné qu'il a parlé à propos de certaines têtes de certains symboles parmi les gens de, qui sont venus par, la, par, par après, parmi les gens qui sont venus par après, c'est-à-dire les, comme les gens comme Sayyid Qutb et des gens comme ça contre qui il a parlé, hein, et Salman al-Ouda et d'autres, eh bien, ils ont essayé de le blâmer de certaines fautes comme ça. Et donc, ça, c'est qu'est-ce que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen a dit à propos de ceux qui voulaient empêcher de diffuser les cassettes de Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Et ça, c'était dans la cassette, la première cassette, qui a, des questions qui avaient été posées par téléphone de la Hollande en réponse aux contradictions de Ahmed Sallam. Il dit ensuite Wa fi shariat al-as'ila al-suwaydiya. قال العلامة ابن عثيمين أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا والرجل صاحب سنة وصاحب حديث. Donc le Cheikh ibn Uthaymeen, il a dit dans la cassette les questions suédoises, il a dit que le Cheikh ibn Uthaymeen a dit en ce qui concerne le Cheikh Rabi', il dit je ne connais de lui que du bien, et c'est un homme parmi les hommes de la sunna et un homme de hadith. Hein? Ensuite il dit وكانت في عنيزة محاضرة للشيخ ربيع بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة وسجل على إثرها شريط بعنوان اتحاف الكرام بلقاء العثيمين بلقاء العثيمين وجاء فيه هذه الكلمة للعلامة ابن عثيمين إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لأخينا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب السلفية طريق السلف ولست أعني بالسلفية أنها حزب قائم يصاد لغيره من المسلمين ولكني أريد بالسلفية إنها على طريق السلف في منهجه لا ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة ما يضاده ونحن نعلم جميعا أن التوحيد هو أصل البعثة التي بعث الله بها رسله عليه الصلاة والسلام وزيارة شيخنا الشيخ ربيع وزيارة أخينا الشيخ ربيع بن هادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا عنيزة لا شك أنه سيكون له أثر ويتبين لكثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويل والترويج وإطلاق العنان لللسان وإطلاق عنان اللسان وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في العلماء إذا تبين لهم أنهم على صواب. Donc le Cheikh il mentionne ici qu'il y a une cassette dans la cassette des questions suédoises et après il y a eu une conférence aussi, on a mentionné ce qui a été dit dans la cassette précédente. Maintenant, il y a une autre conférence qui a eu lieu dans la ville du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Le Cheikh al-Uthaymeen, il vivait à la ville de Qassim. Et la ville de Qassim, il y a, donc c'est une région Qassim, et dans la région, il y a deux grandes villes, la ville de Unayza et la ville de Bouraïda. Cheikh ibn Uthaymeen, il est de Unayza. Donc il y a eu une conférence dans cette ville de Unayza. Et le titre de cette conférence c'était le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Et après cette conférence il y a eu l'enregistrement d'une autre cassette qui s'intitule Ithaful Kiram Bilika al-Uthaymeen. Et dans cette cassette on entend le Cheikh Ibn Uthaymeen qui dit par la grâce d'Allah il nous fait plaisir d'avoir la visite du docteur, notre frère, le Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qui visite notre région. Et à partir de ce moment-là, les gens pour qui c'était une chose cachée vont savoir certaines choses que notre frère, que Allah lui donne le succès, et sur la voie salafia, sur la voie des salafs. Et je ne veux pas dire par la salafia un groupe qui se tient et qui oppose les musulmans, mais je veux dire par la salafia que c'est la voie des salafs, hein, dans sa méthodologie, dans sa voie, et en particulier dans la réalisation du tawhid et dans le fait de repousser et de rejeter ce qui s'y oppose. Et nous savons tous que le tawhid, c'est la base pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers, alayhim salat wa salam, et la visite de notre frère, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, dans la région, et en particulier dans notre ville de Unayza, il n'y a pas de doute que ça va avoir un impact et un effet, et on va voir, il va être clarifié pour plusieurs personnes ce qui était caché, hein, ce que les gens cachaient ou ce qui était caché par la diffusion ou la propagation, la propagande, qu'est-ce que les gens essayaient de diffuser ou propager contre le Cheikh Rabi, hein, et des langues sales qui parlaient contre lui, et la plupart des gens vont avoir maintenant des remords pour ce qu'ils ont dit contre les ulama lorsqu'ils vont comprendre que c'était eux qui avaient raison, hein. Donc là on voit ici que le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen a pris une défense pour le Cheikh Rabi' et il était assis juste à côté de lui et il a parlé de cette façon là pour faire savoir à tout le monde qu'il prenait la défense de Cheikh Rabi', parce que beaucoup d'autres chouyours sont allés à Qassim, et Qassim, comme vous savez, c'est la ville où vivait Salman al-Ouda, et il y a beaucoup de hizbiyya, il y avait beaucoup de hizbiyya là-bas, et même parfois quand des mashaykhs allaient visiter la région, eh bien parfois ils ont été même agressés, comme ça a été le cas lors de la visite du Cheikh Saleh al-Suhaymi, hein, et il y avait avec lui aussi le Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad, qui était à côté de lui, et lorsque il voulait commencer à expliquer ou parler, les jeunes dans la salle commençaient à faire du bruit, commençaient à faire des cris d'animaux, hein, pour empêcher le Cheikh de parler, et puis après ils se sont tous jetés sur le Cheikh et ils ont même fait tomber ses lunettes, hein, parce que le Cheikh hafizahullah, il est aveugle. Donc ça fait partie des exemples de qu'est-ce que les hizbiyyins font aux ulama et comment ils agissent avec eux. Et là, on a vu lors de la visite du Cheikh Rabi', le Cheikh Ibn Uthaymeen était assis juste à côté de lui, hein, et donc ils ne pouvaient pas oser ou essayer faire ce qu'ils ont fait dans le cas des autres mashaykhs lorsqu'ils sont venus, hein, par peur du Cheikh Ibn Uthaymeen, probablement, wallahu a'lam, mais c'est pour dire comment le Cheikh Ibn Uthaymeen a pris la défense de Cheikh Rabi' et il s'est tenu à son côté. Et il a dit également dans la même cassette, وَجَاءَ فِي الشَّرِيطِ السَّابِقِ نَفْسُ السُّؤَالِ حَوْلَ كِتَابِ الشَّيْخ رَبِيعٍ فَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِي كما قال الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا فقال مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عني وأنا تكلمت في أول كلامي عن الذي أعلمه عن الشيخ ربيع وفقه الله وما زال ما ذكرته في نفسي حتى الآن ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit dans la même cassette, lorsqu'on lui a posé la question à propos des livres de Cheikh Rabi', Cheikh Ibn Uthaymeen a dit qu'est-ce qui est apparent dans cette question, c'est qu'elle n'a pas besoin de ma réponse, elle n'a pas besoin de ma parole. On a posé la question à l'imam Ahmed ibn Hanbal au sujet de Ishaq ibn Rahouya, que Allah leur fasse tous miséricorde. Et l'imam Ahmed a répondu, on me demande à moi, à propos de Ishaq, demandez plutôt à Ishaq ce qu'il dit de moi. Et donc, Ibn Uthaymin, il répondait de cette façon, comme si en voulant dire, ne me demandez pas à moi ce que je dis de Cheikh Rabi ou de ses livres, mais plutôt demandez à Cheikh Rabi ce qu'il dit de moi. Hein, en comparant l'exemple avec l'imam Ahmed et l'imam Ishaq ibn Rahouya. Et il a dit, j'ai déjà parlé au début, et j'ai dit ce que je savais de Cheikh Rabi, que Allah lui donne le succès, et ce que j'ai mentionné, il est toujours jusqu'à maintenant en moi-même, hein, et le fait de sa venue ici, et la parole qu'il a délivrée et qu'il a donnée, de ce qui m'est parvenu de cette parole, il n'y a pas de doute que cela ne fait qu'augmenter l'amour qu'on a pour lui et les du'as et les invocations qu'on fait pour lui. Ensuite, il dit وجاء في شريط لقاء الشيخ ربيع مع ابن عثيمين مع الشيخ ابن عثيمين حول المنهج إحالة الشيخ ابن عثيمين لمن سأله عن كتب سيد قطب على الشيخين الشيخ عبد الله دويش ورحمه الله والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله. Donc ici on mentionne que dans la cassette la rencontre de Cheikh Rabi avec le Cheikh Ibn Uthaymin au sujet du manhaj, lorsque on a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin à propos des livres de Sayyid Qutb, et bien Cheikh Rabi il a renvoyé les gens au livre de Abdullah Douaysh et au livre de Cheikh Rabi al-Madkhali pour connaître plus sur le sujet. Donc ça, c'est ce qui montre en même temps que le Cheikh Ibn Uthaymin, il n'avait que du respect et de l'amour pour le Cheikh Rabi hafizahullah. Et en plus, il y a d'autres exemples encore. Il y a d'autres exemples et d'autres citations. Une dernière. Il dit, quand on a posé au Cheikh Rabi les questions, on lui a posé la question, يقال أن منهج الشيخ ربيع يخالف منهج أهل السنة والجماعة. فأجاب بقوله ما أعلم أنه مخالف والشيخ ربيع أثنى عليه أهل العلم المعاصرين وأنا ما أعرف عنه إلا خيرا. Donc ça, c'est dans la cassette dans laquelle on lui a posé la question. On dit que le manhaj de Cheikh Rabi est en opposition avec le manhaj d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a répondu en disant, je ne connais pas ça de lui, c'est-à-dire je ne connais pas de lui une contradiction ou une opposition. Le Cheikh Rabi, les ulama contemporains ont tous fait son éloge, hein, et je ne connais à son sujet que du bien. Donc ça, c'est un exemple de réponse de la part de Cheikh Ibn Uthaymin qui mentionne clairement que ici il est satisfait du Cheikh Rabi' al-Madkhali. Un autre exemple, les paroles du Cheikh Mohammed Ibn Nasir Mohammed Nasir al-Din al-Albani rahimahullah. Il a dit dans une cassette qu'il a fait qui s'intitule Al-Muwazanat Bid'atul Asr, c'est-à-dire Al-Muwazanat, yani la balance, hein, que c'est la bid'a de l'époque. Et justement en parlant des Muwazanat, il y a un frère hier qui postait yani les exemples de paroles, des paroles de Tariq Suwaydan. Quand il mentionne les ulama qui disent qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants et qu'il ne faut pas se révolter contre les dirigeants, il mentionne cette parole en se moquant et en, comme si pour dénigrer les ulama qui appellent à écouter et obéir aux dirigeants, en oubliant en même temps que cette parole d'écouter et d'obéir les dirigeants, c'est exactement la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc peut-être qu'il ne réalisait pas, mais il était en train de se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en se moquant de cette façon. Et après, dans la vidéo, on montre lorsque on lui a posé les questions au sujet du soufi Ash'ari, yani muta'assib, celui qui est mort il n'y a pas longtemps, Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, qui était un ennemi de la salafia, un ennemi de la sunna, défenseur de la bid'a. On lui a posé la question à son sujet sur certaines de ses erreurs, et il a commencé à prendre sa défense et à dire, moi je vois qu'il faut prendre le bien, il ne faut pas mentionner juste les défauts, c'est un savant, il faut avoir du respect pour lui. Comment ça se fait que lorsqu'il parle des ulama qui disent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'écouter et d'obéir les dirigeants, il ne fait que les critiquer et les moquer et les dénigrer, mais quand on lui parle d'un mubtadi, d'un égaré, de quelqu'un qui combat la vérité et la sunna, là tout d'un coup il devient comme du miel avec lui, et il dit c'est un savant, il faut le respecter, et il faut parler du bien en lui, à son sujet, et il faut appliquer la balance de ses bonnes actions et de ses mauvaises actions, et ainsi de suite. C'est ça la bid'a dont on parle lorsqu'on parle de al-muwazanat, de vouloir, quand on parle des gens de bid'a, juste tout d'un coup on veut être juste mentionner le bien et le mal, mais quand c'est pour défendre leur bid'a, ils n'ont pas de pitié pour même les gens qui défendent la vérité et la sunna, ils cherchent tous les moyens pour les dénigrer et pour les rabaisser. Donc la bid'a des muwazanat, elle a été créée et inventée par les mubtadi'a de notre époque pour élever et glorifier les mubtadi'a et leur faire des éloges. Et donc dans la cassette justement de Cheikh Al-Albani à ce sujet-là, il dit à propos justement de Cheikh Rabi', باختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه. Donc ça c'est un exemple de la parole de Cheikh Al-Albani. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il a dit le porteur de la bannière du jarh et du ta'dil, c'est-à-dire de la critique et de l'éloge à notre époque, c'est en vérité notre frère le docteur Rabi', et ceux qui le réfutent ne le réfutent pas avec aucune science, et la science est avec lui. Et il y en a des gens qui n'ont pas aimé cette parole de Cheikh Al-Albani à propos de Cheikh Ibn Baz, à propos de Cheikh Rabi', il y en a qui n'ont pas aimé les propos de Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani à propos de Cheikh Rabi', et ils ont été voir, par exemple, ils ont posé la question à d'autres savants, est-ce que un tel ou un tel, on peut dire de lui qu'il est hamilu rayat al-jarh al-ta'dil ou liwa al-jarh al-ta'dil al-yawm, est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il tient la bannière du jarh et du ta'dil? Et automatiquement, il cherche par là à essayer d'attaquer Cheikh Rabi'. Et la réponse, en fait, c'est que c'est pas Cheikh Rabi' qui s'est déclaré lui-même celui qui portait la bannière du jarh et du ta'dil. Parce que cette bannière, c'est celui qui lui a attribué et qui l'a déclaré de cette façon, c'est pas lui, c'est pas Cheikh Rabi' lui-même qui l'a dit, c'est Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani. Et donc il y en a qui ont essayé de dire il n'y a pas de jarh ou ta'dil à notre époque. Le jarh ou ta'dil c'était juste pour le hadith et pour la narration des hadiths à l'époque. Aujourd'hui ça ne s'applique plus. Et ça bien entendu c'est une parole de certains d'entre les ulama, mais on voit que même ces ulama qui ont dit ça, qu'il n'y a pas de jarh ou ta'dil aujourd'hui, eux-mêmes ils font du jarh ou ta'dil. Et eux-mêmes, ils critiquent les gens de bid'a et ils mettent en garde contre les innovateurs. Ils ne l'appellent pas jarh ou ta'dil, mais ils le font quand même. Et ils l'appellent autre chose. Ils vont l'appeler nasiha. Ils vont l'appeler amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ils vont l'appeler radd ala al mukhalif. Peu importe le nom que tu lui donnes. Ce principe, c'est un des principes qui fait partie de la charia de l'islam. Et c'est pour défendre la charia. Et c'est pour défendre l'islam contre tout ce qui pourrait s'y infiltrer de la part des innovateurs, de la part des gens de batil, de la part des munafiqoun, de la part des gens de l'égarement, et ainsi de suite, les gens de la passion. Donc c'est un principe qui fait partie de l'islam. Et les savants de l'islam même à l'époque des salafs, lorsqu'ils écrivaient des livres sur les narrateurs et les rapporteurs et les prêcheurs et ainsi de suite, ils mentionnaient dans ces livres-là le nom des personnes et ils mentionnaient ce que les savants ont dit sur eux. Hein, et un tel, il disait, يعني, ils vont dire, هذا ضعيف, هذا ليس بشيء, هذا شيعي, هذا جهمي, هذا قدري, et ainsi de suite. Dans les livres de Jarh al-Ta'dil, il y a des volumes qui ont été écrits par des imams de la Sunna au sujet de cette science. C'est une des sciences parmi les sciences de l'islam. Et ils n'ont pas critiqué que les narrateurs, ils ont également critiqué toute personne qui avait un lien avec l'islam et avec la science et avec la da'wah et avec la religion, et ils ont parlé d'eux. Hein? Donc, ça vient clarifier cette question. Et donc, Cheikh Al-Albani, il a dit ça de Cheikh Rabi, et c'est une éloge vraiment, vraiment importante de la part d'un grand savant de l'islam parmi les imams de la Sunna à notre époque. Ensuite, il dit, وسئل الشيخ الألباني في من يشكك في الشيخين ربيع بن هادي المدخلي ومقبل بن هادي الوادعي فأجاب قائلا نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم فالحط على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما جاهل أو صاحب هوى من الشريط لقاء أبي الحسن المأربي مع الشيخ الألباني وقال في نفس الشريط السابق فأريد أن أقول إن الذي رأيته في كتابات الشيخ الدكتور ربيع أنها مفيدة ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. Donc Cheikh Al-Albani, voici ce qu'il dit maintenant. On lui a posé la question à propos de celui qui met des doutes sur les deux sheikhs, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali et le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, et il a répondu en disant: il n'y a pas de doute, nous faisons l'éloge et nous remercions Allah, hein, nous faisons nous remercions Allah et nous faisons nous disons gloire à Allah pour avoir mis au service de cette da'wa cette da'wa qui est établie sur le Coran et la Sunna et la méthodologie des salafs, des gens qui appellent dans différents pays du monde musulman qui appellent à appliquer cette obligation qui est appliquée par qui est obligatoire d'être appliquée pour un petit nombre, hein, du moment c'est-à-dire que c'est un fard kifai, que cette obligation de réfuter les gens de l'égarement et de l'innovation et de mettre en garde contre eux, c'est un fard qui est un fard kifai, c'est-à-dire que du moment qu'il y a une partie des musulmans qui l'ont accompli, eh bien c'est plus obligatoire pour le reste, hein, mais si tout le monde l'abandonne, eh bien ça reste que ça devient un péché pour tout le monde dans ce cas-là. Donc, il y en a parmi les ulama, et il y en a très peu dans le monde musulman aujourd'hui qui ont rempli cette obligation-là et ce devoir-là de faire cela. Et donc, parmi ces deux, les chours qui le font, il y a le Cheikh Rabi' et le Cheikh Muqbil, les deux qui appellent au Coran et à la Sunna selon ce que suivaient les salafs salih et qui font la guerre à ce qui contredit cette méthodologie authentique. Et la personne qui essaie de rabaisser ces deux imams, ces deux chouyours, eh bien, c'est pas quelque chose qui échappe à personne, que celui qui fait ça, il est une d'entre les deux catégories suivantes: soit que c'est un ignorant, ou une personne qui suit la passion, c'est-à-dire qui est sur la bid'a. Et ça, ça s'est tiré de la cassette de la rencontre d'Abil Hassan al-Ma'ribi avec Cheikh al-Albani. Hein? Et ça, c'est une autre chose qui est encore étonnante, du fait qu'à l'époque, c'était Abul Hassan al-Ma'ribi qui posait cette question à Cheikh al-Albani, et qui yani, a eu cette réponse de Cheikh al-Albani à propos de Cheikh Rabi', et on le voit aujourd'hui, hein, qui a retourné complètement sa veste et qui maintenant est devenu un des plus grands ennemis de Cheikh Rabi' et de la da'wa salafia, Allahul Musta'an. Donc ça reste enregistré contre lui jusqu'à la fin des temps. Donc le Cheikh il dit ensuite, et dans la même cassette à la fin, il a dit, je veux dire je veux dire que ce que j'ai vu dans les livres de du docteur le Cheikh Rabi', c'est que ce sont des livres qui sont bénéfiques, et je ne me souviens pas d'avoir vu une seule erreur ou une seule sortie de ce manhaj dans lequel il nous rejoint et dans lequel nous le rejoignons. Donc Cheikh Al-Albani, il dit à propos des livres de Cheikh Rabi', je ne me souviens pas d'avoir lu une seule erreur ou une seule sortie du manhaj dans lequel on se rejoint, moi et lui. Donc ça, c'est un témoignage de la part de Cheikh Al-Albani. Et Cheikh Al-Albani, c'est un homme de précision, hein? C'est pas quelqu'un qui va laisser passer un petit détail. Donc s'il voit une erreur ou quoi que ce soit d'erreur dans les livres de Cheikh Rabi', il va le mentionner, il va le dire, hein? Il va le corriger, hein? Mais s'il dit, je témoigne que je ne me souviens pas d'avoir vu aucune erreur dans le manhaj et des choses de ce genre, ça c'est un témoignage clair en sa faveur. Et il y a plein d'autres témoignages aussi de la part de Cheikh Al-Albani. On va en lire d'autres. Ici, il a répondu donc à propos de ce qu'on a lu tout à l'heure. Ça, c'était juste le début de la citation. Donc, quand il a dit, la personne qui oppose ou qui essaie de rabaisser Cheikh Muqbil et Cheikh Rabi', il a dit, c'est soit que c'est un ignorant ou une personne qui suit la passion, c'est-à-dire un mubtadi'. Et à la suite de ça, il a dit un autre commentaire, c'est wal jahil yumkinu hidayatahu li'annahu yadhunnu annahu ala shay'in min al-'ilm. Hein, li'annahu yadhunnu annahu ala shay'in min al-'ilm, fa idha tabayyana al-'ilm as-sahih ihtada. Amma sahib al-hawa falaysa lana ilayhi sabil. إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونطلب من الله عز وجل أن يهديه وإما أن يقسم ظهره. Donc qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Al-Albani, une parole très forte. Il a dit, donc le premier cas, celui de l'ignorant, Il est possible de le guider, c'est-à-dire de lui montrer la vérité, de lui montrer la bonne voie. Parce qu'il pense être sur une science quelconque. Mais lorsqu'il réalise la science correcte, qu'est-ce que c'est la science authentique? Il revient sur la droiture et sur la guidance. Tandis que la personne qui suit sa passion, il n'y a aucun moyen et il n'y a rien à faire avec lui. Hein? Soit que Allah le guide, tabaraka wa ta'ala, hein? Donc ceux qui, excepté que, c'est ça, il n'y a rien à faire pour lui, excepté que Allah le guide, tabaraka wa ta'ala. Donc ceux qui critiquent les deux sheikhs, Sheikh Rabi' et Sheikh Muqbil, rahimahumallah, wa hafizallah, Sheikh Rabi', il a dit, donc ceux qui les critiquent, soit que c'est un ignorant, donc on lui apprend, on lui donne la science, on lui explique, ou bien que c'est une personne qui suit la passion, donc on demande à Allah la protection contre son mal, et on demande d'Allah soit de le guider ou de lui briser le dos. Ça c'est la parole de Cheikh Al-Albani à propos de ceux qui critiquaient Cheikh Muqbil et Cheikh Rabi', hafizahullah. Maintenant, un autre exemple de la parole de Cheikh Al-Albani, encore une autre parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, وقال أيضا في شريط الموازنات بدعة العصر بعد كلام له في هذه البدعة العصرية. Donc on a lu le début de la parole de Cheikh Al-Albani, du fait qu'il a dit à propos de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Rabi' que c'était lui qui portait aujourd'hui la bannière du Jarh et du Ta'dil à notre époque. En vérité, il a dit que ceux qui le réfutent, ils n'ont pas de science, la science est avec Cheikh Rabi'. Et il a dit ensuite, et non, donc il a répété une autre parole semblable à ce qu'on a lu tout à l'heure. Il a dit, إنهم الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه إن كنت أقول دائما قلت هذا الكلام له هاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقا إلا ما أشرت إليه آنفا من شيء من الشدة في الأسلوب أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم وإلا رجل مغرض وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه Sawa as-sirat. Donc ici, c'est la parole du Cheikh ici, il dit à la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, il a dit que Cheikh Rabi, c'est lui qui a la science, et ceux qui le réfutent, ils ne se tiennent pas sur la science. La science est avec le Cheikh Rabi. Et il a dit, je lui disais souvent, et je lui ai dit ça plusieurs fois au téléphone, que s'il prenait une méthode ou un style plus doux, que ce serait plus bénéfique pour les gens en général, soit que ce soit ceux qui sont avec lui ou contre lui. Il dit, mais en ce qui concerne la science, il n'y a aucun moyen de critiquer l'homme du tout. Hein, et excepté ce que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de la dureté dans le style ou la façon. Mais de dire qu'il ne fait pas le mouazanat, qu'il ne juge pas entre les hasanat et le bien et le mal quand il critique, il dit ça c'est une parole, hein, c'est une parole faible, et ça ne vient que d'un homme qui est un des deux, soit un ignorant, donc il faut lui apprendre, ou soit quelqu'un qui a des intérêts, hein, quelqu'un qui suit sa passion ou qui a des intérêts, et celui-là on ne peut rien faire pour lui excepté d'invoquer Allah qu'il le guide au droit chemin, hein. Donc ça c'est un exemple. Et en ce qui concerne la critique de ce que Cheikh Al-Albani mentionne ici par rapport à la dureté, eh bien, ça c'est une chose que yani les gens ont dit même à propos de Cheikh Al-Albani. Hein, même à l'époque de Cheikh Al-Albani, les gens de Hizbiya, de Bid'a, ils disaient « Ah, Cheikh Al-Albani, il est trop dur. » Hein, et c'est devenu la méthode maintenant des Hizbiyins lorsqu'ils parlent de quelqu'un qui est sur la Sunna. La seule critique qu'ils peuvent leur dire ou qu'ils peuvent dire à leur sujet pour éloigner les gens de leur da'wah, c'est de dire « Ah, ces gens-là, ce cheikh, il est trop dur. » Hein? Mais on sait très bien que la dureté, hein, dans certains contextes, c'est quelque chose qui est louable et non blâmable. Hein? Et ça, Cheikh Al-Albani lui-même, il le sait. Et même, c'est ce qu'il a expliqué lui-même lorsqu'on lui a reproché justement cette chose-là. De toute façon, on continue avec un autre exemple. Il dit وقال رحمه الله في كتابه صفة الصلاة وعند حديثه عن الغزالي المعاصر وقد قام كثير من أهل العلم والفضل جزاهم الله خيرا بالرد عليه وفصلوا القول في حيرته وانحرافه ومن أحسن ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مجلة المجاهد الأفغانية العدد 9-11 ورسالة الأخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المسمى المعيار لعلم الغزالي. Donc Cheikh Al-Albani mentionne dans son livre Sifat al-Salah, dans la description de la prière, page 68, il parle de Al-Ghazali, le contemporain, Mohamed Al-Ghazali, dont on a parlé, de la réfutation de Cheikh Rabi contre lui. Au dernier cours, on en a parlé. Donc, Cheikh Al-Albani, il mentionne justement cette réfutation-là. Il dit que Mohamed Al-Ghazali, il a été réfuté par les hommes de science. Très nombreux parmi les hommes de science ont été ceux qui l'ont réfuté. Et ils ont détaillé les détails de la confusion et de la déviation de cet homme, c'est-à-dire de Mohamed Al-Ghazali. Et il dit, parmi les meilleures choses que j'ai lues à ce sujet-là, c'est la réfutation du docteur, le Cheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali, notre compagnon, dans le magazine Al-Mujahid, le magazine afghan Al-Mujahid, dans les numéros de 9 à 11, et également le livre qui a été écrit par le Cheikh Al-Fadil, le frère Saleh ibn Abdul Aziz ibn Muhammad al-Sheikh, qui s'intitule Al-Mi'yar li'ilm al-Ghazali. Donc ces deux livres, Cheikh Al-Albani fait l'éloge. Ensuite il dit, wa kataba al-Sheikh Al-Albani rahimahullah mu'alliqan ala kitab al-Sheikh Rabi' al-Awasim mimma fi kutub Sayyid Qutb min al-Qawasim. كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام وبأصوله وفروعه فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. Voici la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, au sujet de Cheikh Rabi' et de son livre ici. Et ça, c'était écrit dans l'introduction du livre de Cheikh Rabi' qui s'intitule Al-Awasim Mimma Fi Kutub Sayyid Qutb Min Al-Qawasim. C'est écrit même, le Cheikh, ça a été mis dans l'introduction du livre, dans la préface, on voit la lettre de Cheikh Al-Albani, même écrit de son écriture et signé par le Cheikh Al-Albani. Et voici ce qu'il dit à propos de ce livre de Cheikh Rabi. Cheikh Al-Albani dit, tout ce que tu as réfuté contre Sayyid Qutb est vrai et correct. Et c'est de là que tout lecteur musulman qui connaît quelque chose de la culture islamique verra, il va voir clairement que Sayyid Qutb n'avait pas de connaissance de l'islam, ni dans ses fondements, ni dans ses branches qui en découlent. Alors que Allah te récompense en bien, ô toi le frère Rabi', pour ce que tu as fait de l'obligation de clarifier et de dévoiler son ignorance et sa déviation de l'islam. Donc ça, c'est les paroles de qui? De Cheikh Al-Albani à propos de Cheikh Rabi' et de son livre qu'il a écrit contre Sayyid Qutb. Et en même temps, c'est un témoignage de la déviation de Sayyid Qutb de la part de Cheikh Al-Albani, qui mentionne clairement que Sayyid Qutb était un ignorant et qu'il avait des déviations dans sa compréhension des fondements et des branches de l'islam. Et ensuite, donc, ça vient donc ici terminer les paroles qu'on avait à mentionner de la part de Cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani à propos de Cheikh Rabi. Maintenant, on va lire les paroles de Cheikh Saleh Al-Luhaydan et qu'est-ce qu'il a dit à propos de Cheikh Rabi. Il dit, « Wa fi shariq hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam fil ashr al-awakhir min ramadan, tasjilat al-imam al-jurri, نص السؤال سماحة الشيخ كثر الحديث عندنا في ليبيا وفي دول المغرب العربي حول الشيخ ربيع المدخلي وهناك من يعتبر رسائل الشيخ بأنها من أفضل الرسائل في هذا العصر والتي لا مجاملة فيها ولكن هناك من يعتبره بأنه من أهل البدع والتكفير نريد من سماحة الشيخ أن يعلق على هذا الأمر جزاكم الله خيرا. Donc ici يعني dans la cassette la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les 10 derniers jours du ramadan qui a été diffusée par les enregistrements de l'imam Al-Ajurri, la question a été posée au Cheikh Salih Al-Luhaydan. Beaucoup de gens maintenant en Libye et dans les pays du Maghreb arabe, ils posent des questions, ils parlent beaucoup au sujet du Cheikh Rabi' Al-Madkhali, et il y en a qui considèrent ses livres comme étant parmi les meilleurs livres qui ont été écrits à notre époque. Et tandis que donc ils disent qu'il n'y a pas de compromis dedans, que tout est clair dedans, tandis qu'il y en a d'autres qui disent que il fait partie des innovateurs et des gens de la bid'a et du takfir. On veut savoir votre commentaire à ce sujet là que Allah vous récompense en bien. Fa ajab al-shaykh qailan يمكن أن الله كتب للشيخ ربيع منزلة في الجنة في الجنة عالية ولم يؤدي العمل الذي يكفيها فجعل هؤلاء الناس يقعون فيه لرفع الله درجته ولتنحط درجاتهم بذلك. الرجل لا شك في سلامة عقيدته وصفائها والعصمة لا يعصم أحد بعد الأنبياء ولا أحد معصوم بعد الأنبياء، ولكن الرجل في عقيدته الذي أعرف عنه أنه سليم المعتقد. والإنسان إذا أخطأ كما يقول الشاعر فمن ذا الذي ترضى سجاياه، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وثم هؤلاء الشباب الذين يتحدثون عن مثله، هل كانوا في منزلة عالية من التقى والضبط والإتقان والمعرفة؟ ينبغي للإنسان أن يشتغل بنفسه، وما كان أهل العلم يحرصون على تتبع هفوات العلماء إذا كان لهم هفوات. وقد ألف الشيخ ابن تيمية رسالة هامة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني لو أخطأ أي عالم كهؤلاء الذين يذهبون يخطئون الحافظ بن حجر والنووي، ليس أحد من الناس كلامه كله حق، سواء محمد صلى الله عليه وسلم كما قال مالك رضي الله عنه، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي على هؤلاء الشباب في ليبيا أو المغرب أو البلاد هذه أن يتقوا الله في أنفسهم ويتجنبوا الوقوع في أعراض الناس وفي أعراض طلبة العلم. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Salih Al-Luhaydan? Il dit il se peut que les livres de Cheikh Rabi', il dit il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit un niveau élevé dans le paradis, et que son action à elle seule n'était pas suffisante, alors il a fait en sorte que ces gens-là parlent contre lui pour élever le degré que Allah lui, pour que Allah élève son degré dans le paradis, et pour qu'il rabaisse leur degré à eux, c'est-à-dire ceux qui parlent contre lui à cause de cela. Donc on voit ici qu'est-ce que Cheikh Al-Luhaydan il explique. Il dit que ça se peut que Allah a écrit un degré élevé dans le paradis, mais que c'était pas possible uniquement par ses actions, parce que ses actions n'étaient pas suffisantes, alors il a fait que ces gens-là parlent contre lui. On sait que lorsque quelqu'un parle contre une personne injustement, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre des actions, des bonnes actions de ceux qui ont parlé contre la personne, il va le mettre dans la balance de la personne contre qui ils ont parlé, et il va prendre des péchés de la personne contre qui ils ont parlé et les mettre dans leur balance. Et donc, c'est ça ce que le Cheikh Al-Luhaydan est en train de dire. Et il dit ensuite, l'homme, il n'y a pas de doute sur le fait que sa croyance, sa aqida, elle est propre et elle est pure. Et il n'y a personne, par contre, qui est infaillible après les prophètes. Mais en ce qui concerne l'homme lui-même, je ne connais de sa aqida que le fait que cette aqida elle est propre et saine. Mais sinon, si c'est une question d'erreur, sachez qu'il est suffisant pour quelqu'un comme noblesse qu'on soit capable de compter ses fautes. C'est-à-dire que les autres, ils ont tellement de fautes qu'on ne peut pas les compter. Donc si quelqu'un, on est capable de lui compter ses fautes, eh bien déjà ça c'est suffisant comme noblesse. Et il mentionne ensuite que les jeunes qui parlent au sujet des savants comme lui, est-ce que eux, ils ont ce degré élevé de piété et de retenue et de maîtrise et de connaissance? Donc il faut que la personne se préoccupe d'elle-même. Et qu'est-ce qui se produit de la part des hommes de science comme faute ou comme erreur chez les ulama, s'ils ont des erreurs? Il dit, il faut savoir que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre très important qui s'appelle « De retirer le blâme des imams de l'islam, des grands imams ». Donc « Raf'ul malam an al-immat al-a'lam », il a dit, si quelqu'un il a effectivement fait une erreur parmi les grands ulama, parmi les imams, comme ceux qui vont pour essayer de chercher des erreurs à Ibn Hajar ou bien à An-Nawawi, il n'y a personne dont les paroles sont toutes véridiques, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme disait l'imam Malik, on prend et on laisse de toute personne, excepté celui qui est dans cette tombe. Et il pointait la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il termine en disant qu'il faut que les jeunes qui sont en Libye, au Maghreb, ou dans les autres pays, il faut qu'ils craignent Allah en eux-mêmes et qu'ils s'écartent de tomber dans l'honneur des ulama et de parler contre l'honneur des gens et en particulier l'honneur des étudiants en sciences. Donc ça c'est la parole de Cheikh Salih Al-Luhaydan et il y en a beaucoup d'autres paroles de Cheikh Al-Luhaydan au sujet de Cheikh Rabi, des paroles d'éloge jusqu'à aujourd'hui. Et il est encore vivant le Cheikh, donc si vous voulez même encore aujourd'hui vous avez des doutes et vous pensez que Cheikh Rabi il a changé, allez voir Cheikh Al-Luhaydan aujourd'hui, posez-lui la question et vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire. Et on va terminer avec les paroles de Cheikh Al-Fawzan pour aujourd'hui Inch'Allah, parce que je pense pas qu'on va pouvoir lire beaucoup plus que ça aujourd'hui. Mais on va lire les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh il dit وقال كما في الشريط الأسئلة السويدية في معرض كلامه عن جماعة أهل عن جماعة من أهل العلم كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي وفضيلة الشيخ صالح السحيمي وكذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على أهل والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح سواء عن قصد أو عن غير قصد هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم سبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها لأن فيها فائدة كبيرة. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit dans les questions suédoises lorsqu'il a parlé des savants, des hommes de science? Il a dit il y a également des ulama qui sont de l'avant aujourd'hui, qui ont un pied dans la da'wa, qui est ferme dans la da'wa, et il y a parmi eux le Cheikh, le noble Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, et le noble Cheikh Rabi' Ibn Hadi, et le noble Cheikh Salih Al-Suhaymi, et son excellence le Cheikh Mohammed Aman Al-Jami. Ceux-là, ils ont des efforts dans la da'wa et dans la sincérité, et dans la réfutation de ceux qui veulent faire dévier la da'wa et la faire sortir de sa voie correcte. Peu importe que ce soit volontairement ou involontairement, ceux-là, ils ont une expérience. Et ils ont une expérience dans la da'wa et ils ont de la connaissance des paroles et la connaissance des propos qui sont corrects et d'autres qui sont incorrects. Donc ils distinguent entre les deux, et il est donc obligatoire que leurs cassettes et leurs cours soient diffusés et propagés, et que les gens en profitent, parce qu'il y a en ces cours et en ces cassettes un bienfait énorme. Donc ça c'est les paroles de Cheikh Al-Fawzan ici au sujet de Cheikh Rabi', et jusqu'à aujourd'hui maintenant Cheikh Al-Fawzan il continue de faire des éloges de Cheikh Rabi' jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas, on peut pas dire ah maintenant on peut pas dire ah les machères qui ont fait l'éloge avant eux ils étaient morts et Cheikh Rabi' maintenant il a changé et donc ça compte plus qu'est-ce qu'ils ont dit à son sujet. Qui a dit ça? Même les chouyours qui étaient vivants à l'époque de Cheikh Ibn Baz et qui sont vivants encore aujourd'hui comme Cheikh Al-Fawzan et d'autres, Cheikh Al-Luhaydan, ils faisaient l'éloge de Cheikh Rabi' à l'époque et ils font encore l'éloge de Cheikh Rabi' aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils prétendent ces gens-là, hein? Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit dans l'introduction qu'il a écrit du livre de Cheikh Rabi' « Minhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikma wal-aql » Cheikh Al-Fawzan, il dit dans cette introduction-là qu'il a écrit pour le livre de Cheikh Rabi', il dit « لما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا أو يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق كما قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لما كان ذلك واجبا لما كان هذا واجبا كشفه لازما وكشفه لازما قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء لعلها ترجع إلى صوابها فإن الحق ضالة المؤمن لأن لا يغتر بها من لا يعرف ما عليه من خطأ ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل وقد بين وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود كافيا لمن يريد الحق وحجة على من عاند وكابره فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به صلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Donc il dit le Cheikh, Cheikh Al-Fawzan à propos de ce livre et à propos de son auteur, il dit que étant donné que les différents groupes qui existent aujourd'hui sont devenus un danger pour l'islam, qui peut obstruer la voie à celui qui voudrait entrer dans l'islam, il était obligatoire de clarifier et clarifier que ces groupes n'ont rien à voir avec l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 159 dans Surat Al-An'am. Et ceux qui ont divisé la religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Et parce que l'islam appelle à l'union et au regroupement et à se réunir sur la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 13 dans Surah Shura, hein, et établissez la religion et ne vous divisez pas en celle-ci. Et il mentionne dans le verset 103 dans Surah Al-Imran, et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et donc, lorsque la clarification de cela était devenue une obligation, et de dévoiler yani ce que les groupes islamiques ont comme déviation était devenu obligatoire, eh bien, il y a des savants parmi les gens qui ont un sens de la jalousie et de l'honneur pour la défense de cette religion et de la vérification également. Ils ont donc mentionné les erreurs de ces groupes et de ces différentes organisations islamiques pour mentionner et clarifier les oppositions et les contradictions qu'elles ont avec la da'wah et la méthodologie des prophètes, pour que ces groupes puissent revenir à qu'est-ce qui est vrai et à qu'est-ce qui est correct. Parce que la vérité, elle est l'objet, c'est l'objet perdu du croyant. La vérité, c'est l'objet perdu du croyant. Et pour que les gens ne soient pas trompés, hein, parmi ceux qui n'ont pas de connaissance de ce qui est, ce qui était correct, et ils peuvent pas distinguer entre ce qui est faux et ce qui est une erreur, eh bien, il était obligatoire de clarifier l'état et la réalité de ces groupes. Et parmi les savants qui ont fait cette tâche importante et ce devoir important, en agissant selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit la religion c'est le bon conseil, la religion c'est le bon conseil, ou la religion c'est la sincérité, on peut traduire nasiha par conseil, on peut aussi le traduire par la sincérité. Il dit donc, les sahaba ont demandé envers qui, ô messager d'Allah, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est envers Allah, envers son livre, envers son messager et envers les imams, c'est-à-dire les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Donc, parmi ceux qui ont clarifié et qui ont été sincères dans cette tâche, il y a le cheikh Dr Rabi ibn Hadi al-Madkhali dans son livre qu'on a entre les mains, c'est-à-dire le livre qui s'intitule « La méthodologie des prophètes dans la da'wa à Allah ». Il y a en celle-ci la sagesse et la raison. Et il a clarifié qu'Allah le récompense et lui donne le succès. La méthodologie des prophètes et la méthodologie des messagers dans la da'wa à Allah, comme cela est venu dans le livre d'Allah et la sunna de son messager. Et il a exposé la méthodologie des différents groupes qui sont en opposition avec cette voie, pour qu'on voit clairement la différence qui existe entre leur voix et la voix des messagers d'Allah. Et donc, pour que les gens sachent que cette voix qu'ils ramènent, que ces groupes islamiques amènent, elle oppose la méthodologie des messagers. Et il a débattu cette question, et il a débattu les différentes méthodologies d'une manière scientifique et qui est juste, tout en ramenant des exemples et des témoignages pour clarifier la chose. Et donc, son livre, par la grâce d'Allah, est venu en respectant son objectif, et il est suffisant pour celui qui recherche la vérité, et c'est une preuve pour quiconque fait preuve d'orgueil et d'arrogance et qui refuse la vérité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser pour ce travail, et qu'il fasse que ce travail soit bénéfique. Et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Donc ça c'est l'introduction du cheikh Al-Fawzan du livre de cheikh Rabi' et comment il fait l'éloge de cheikh Rabi' et de son livre ici est clair. Il y a un autre également, une autre parole d'éloge de cheikh Al-Fawzan ici dans l'introduction de son livre Jama'atun la wahidatun la jama'at, dans sa réfutation de Abdurrahman Abdul Khaliq, il dit Cheikh Al-Fawzan, in illa annahu fi al-awinati al-akhirah zahrat jama'at tantami ila ad-da'wa وتنضوي تحت قيادات خاصة بها. كل جماعة تصنع لنفسها منهجا خاصا بها، مما نتج عنه تفرق واختلاف وصراع بين تلك الجماعات، مما يأباه الدين وينهى عنه الكتاب والسنة. لما أنكر عليهم العلماء هذا السلوك الغريب، انبرى بعض الإخوة يدافع عنهم، ومن هؤلاء المدافعين الشيخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق من خلال رسائله المطبوعة وأشرطته المسموعة، على الرغم من مناصحته عن هذا الفعل من قبل إخوانه. وزاد على ذلك الطعن في العلماء الذين لا يوافقونه على صنيعه ووصفهم بما لا يليق بهم، ولا يسلم من ذلك حتى بعض مشايخه الذين درسوه. وقد قام فضيلة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي بالرد عليه في هذا الكتاب الذي هو بين يدي القارئ بعنوان جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، وقد قرأته فوجدته وافيا بالمقصود والحمد لله. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan? Il dit que dans les derniers temps, on a vu apparaître des groupes islamiques qui prétendent appartenir à la da'wah et qui sont sous la dirigeance de certaines têtes en particulier. Chacun ont des chefs différents qui les gèrent, et chaque groupe se fait à elle, pour elle-même, une méthodologie qui lui est particulière. Et on a vu comme résultat de cela apparaître beaucoup de divisions et de divergences et de luttes entre ces différents groupes, hein, qui fait partie de ce que la religion refuse et rejette, et qui fait partie de ce que le Coran et la Sunna interdit. Et lorsque les savants de l'islam leur ont interdit et ont critiqué et condamné ce qu'ils font, hein, lorsque les ulama les ont critiqués, ont critiqué ce qu'ils font et ont critiqué cette méthode et cette conduite étrange qu'ils ont, eh bien il y a certains d'entre eux qui se sont levés pour essayer de les défendre. Et parmi ceux qui ont fait partie de ceux qui voulaient défendre ces groupes, il y a le cheikh Abdurrahman Abdul Khaliq, à travers ses livres qu'il a écrits et ses cassettes audio. Malgré que on lui a donné la nasiha à propos de ce qu'il avait fait, et beaucoup de ses frères lui ont donné la nasiha à ce sujet là mais il a augmenté, il a fait que augmenter et croître dans ses attaques contre les ulama qui ne sont pas d'accord avec lui à propos de ce qu'il fait, et il les a décrits par ce qui n'est pas convenable de dire à leur sujet, et personne n'a été exempté de ces attaques, pas même ses professeurs et ses chouchs qui l'ont enseigné. Alors son excellence le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali s'est levé pour réfuter ses livres, et il a écrit ce livre donc qui est entre nos mains, qui s'intitule un seul groupe et non pas plusieurs, et une seule voix et non pas une dizaine. Et je l'ai lu et je l'ai trouvé comme étant respectueux de son objectif, et alhamdoulilah. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan à propos de ce livre qu'il a écrit comme réfutation, le livre que Cheikh Rabi a écrit comme réfutation à Abdurrahman Abdul Khaliq. Comment quelqu'un va venir après pour dire Cheikh Al-Fawzan il n'est pas d'accord avec la réfutation, alors qu'il l'a lu et il a fait l'éloge de la réfutation, et il est d'accord avec ce qu'il a dit à propos d'Abdurrahman Abdul Khaliq? Et ça, c'est juste un exemple, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a également les paroles de Cheikh Al-Fawzan qu'il a écrit dans l'introduction de son livre, dans lequel il a réfuté le chiite soufi Hassan ibn Farhan al-Maliki, Donc Cheikh Al-Fawzan, il a écrit l'introduction de, de cette réfutation, parce que Hassan ibn Farhan al-Maliki, c'est un soufi chi'i rafidi, et il a critiqué le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à propos de son livre Kashf al-Shubuhat, et il l'accuse d'être la source du takfir. Alors Cheikh Rabi, il a écrit un rad, une réfutation de, de ces accusations-là et de, de son livre, du livre de Hassan al-Maliki. Et Cheikh Al-Fawzan, il a écrit une introduction à ce livre-là. Et parmi ce qu'il a dit dans cette introduction, il a dit « فَوَجَدْتُ الرَّدَّ الشَّيْخ رَبِيعَ حَفِظَهُ اللَّهُ وَافِيًا فِي مَوْضُوعِهِ جَيِّدًا فِي أُسْلُوبِهِ مُفْحِمًا لِلْخَصْمِ فجزاه الله خير الجزاء وأثابه على ما قام به من نصرة الحق وقمع الباطل وأهله. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan? Il dit j'ai trouvé ce livre, cette réfutation de Cheikh Rabi' comme étant respectueuse de son sujet, qui bonne dans son style et qui grille son opposant, hein, et que Allah le récompense en, par la meilleure récompense et lui donne la meilleure rétribution pour ce qu'il a fait en défendant la vérité et en écrasant la fausseté et ses fidèles ou ses adeptes, ceux qui suivent la fausseté. Donc ça c'est la dernière citation qu'on voulait mentionner des paroles de Cheikh Al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah. Et donc donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah avec cette parole, et on continuera la semaine prochaine, jeudi prochain inshallah, avec la suite de ces paroles des ulama, et on va lire d'autres paroles des ulama pour montrer pour montrer la position élevée que ce cheikh, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, a chez les ulama, et comment ils l'aiment et comment ils le respectent et comment ils le défendent et comment ils font son élage. Et donc que ce soit, peu importe par la suite qui décide de parler contre cheikh Rabi', est-ce que ça compte, hein, si on sait que ces grands imams parlent en bien de Cheikh Rabi', et que si ils ont quelque chose contre Cheikh Rabi' et qu'ils sont capables d'amener des arguments ou des preuves, de toute façon Cheikh Rabi', il le dit et il a toujours dit, il a dit peu importe qu'est-ce qu'il ramène comme erreur contre moi, qu'il le ramène, c'est pas quelque chose qui me fâche, au contraire, s'il trouve des erreurs, ça me fait plaisir, parce que je vais revenir de ces erreurs-là avant ma mort. Hein? Donc Cheikh Rabi', il ne se fâche pas, yani, qu'on lui trouve des erreurs ou qu'on lui trouve des fautes. Au contraire, il se réjouit de ça et il est content de ça, et il revient de ses erreurs lorsqu'on lui montre ses erreurs. Mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est que les gens de Hizbiya, les gens de Bid'a, leur but c'est pas de chercher des erreurs pour que le Cheikh revienne. Leur but c'est d'attaquer le Cheikh pour essayer de faire en sorte qu'on cesse de critiquer et de démasquer les faussetés sur lesquelles ils sont dans leur manhaj, dans leur da'wah. Hein? Ils veulent que personne ne parle contre eux, les égarements qu'ils propagent. Ils veulent avoir le feu vert, hein, dans la Ummah pour propager et semer l'égarement partout où ils veulent sans que personne ne s'oppose à eux. C'est ça ce qu'ils veulent. Et donc, à cause de ça, alhamdoulilah, il y aura toujours des gens parmi les hommes de science qui vont se tenir pour défendre la sunna et défendre la vérité. Peu importe que ça leur plaise ou non. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.